La descente. remparts. Alors rue des remparts, c'est rue qui baille en face qui passe pour ta Saint-Joseph là. Rue ça relève, rue des remparts. Chauffeur bus cafou qu'on a viré. Oui, ça relie. Oui. Traversière. Mais, dis-moi l'autre nom encore. Je te connais Bali. Bagaille longtemps, t'es tout petit. Je connais dans des grandes mapies. Yo, elle est liée. Oui. Cap escalin. Miracle. C'est le moment où il vient la lumière rouge. Chauffeur quand même quoi, même pas où la lumière rouge là, il fonce. Mais, des automobiles qui sortent en bas, dans la rue des miracles, là, bon, Canada, quand on va aller bouter. Mais puisque chauffeur quand même quoi, la lumière rouge, il met le lumière vert, donc il y a un droit de passage. Avec qui on a fait collision? Avec chauffeur quand même quoi. Go! Je vais quand même encore des concours, bredel, bredel, détaché sur quand même, sauf tomber dans le ciment. L'aime d'où ça, saucisse gaillée, saucisse voltigée, saucisse volée. L'aime d'où ça, hey. Mais gros, c'est saucisse, yo. Mais non, qu'est saucisse, yo. Saucisse. Aïe, aïe, aïe. Mais, des gros femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on est machin pistache, machin sirette, on chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme, on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que je l'ai détaché, c'est quand même un saut tombé dans le ciment. Sans souci voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse. Mais l'on gros saucisse. Quand elle tombe dans l'estomac, malheureuse là. Malheureuse là. Pour bagaille, ça tombe dans l'estomac, moi. Hein. Si tout le monde va mourir, mes chauffeurs vont mourir. Femme dodo. Femme dodo. Pense mon chéri, pense mamie. Femme dodo. Femme dodo chéri. Femme dodo. Pense mamie, pense mon chéri. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo, femme dodo, femme dodo. Pesem mami, pesem chéri. Femme dodo. Deuxième trimestre. Gardez donc. Monsieur jeune garçon yo. Cap marcher en main yo. Prends précaution non. Prends précaution non. C'est assez une petite moune dans la rue ou elle cause avec vous. Alors, par contre, quelques filles françaises marron gagnent, on tombe pas la timoune chérie. Pourquoi tu t'es loin, tu caches, tu tombes de la détresse. On va nous faire des bagailles, comprends-moi. Tu commences à bien comprendre, il est bien tendu, il dit c'est pour la maman. Il prend un petit mé, on le mène, on va le faire la main. Donc, il verra la main, ou cause avec la main où est son nom enfin. On continue, j'en bagaille, comprends la main, accepter ou. Mais la mère avise ou, les doux déboutants doivent venir la caille, c'est venu à 7h pour sortir à 8h. Oh, c'est comment c'est venu chita par la ménage, par la ménage. Bonjour m'chita, m'chapose à la ménage. Des vins pour grand monde, non? Alors comment est-ce qu'il va encore? Comment est-ce qu'il va encore? Ou depuis de nous baisser encore? Pour grand monde, notre système.